sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais rien de toi. Je t'ai rencontré il y a une heure à peine. Et depuis une heure, sur cette musique, nous pratiquons le coït. Savoir qui tu es. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Je ne veux rien savoir de toi. Je ne te reverrai jamais. Tout à l'heure je vais partir. Et de notre rencontre, il ne restera rien. Rien que le souvenir. Très long coït. Mon Jean. Jean-Yann. Moi, j'ai rencontré ma première femme à Ongunquit. Ah. En fait, c'est ma deuxième. Ma première, malheureusement, moi, j'adore faire un avion. Et, j'adore faire l'avion. Oh, tout le monde en arrière. On y va, on plane. Moi, j'ai deux moteurs, mais je les éteins tout le temps. Oh. Là, les filles, ça crie. Ah! Nous allons tomber! Ça, c'est le coup du spectacle. Mais pour venir à ma deuxième femme que j'ai rencontrée à Ongunquit, j'ai approché, bien sûr, le front. Je ne sais pas si vous connaissez dans le milieu de l'aviation. Oh, on ne connaît absolument rien là-dedans. Bon. OK. Alors, si vous montez vers le haut, c'est le ciel. Nous, en aéronautique, on appelle ça ciel. OK. En bas, pour nous, là, je sais pas, vous t'es rien. Nous, c'est la Terre. OK. Puis en dessous de la Terre, là, quand on cogne, c'est le noyau. Oh mon Dieu! Ça explose normalement parce que c'est très chaud. Il y a des flammes, il y a beaucoup de vivacité diabolique. Ça va bien? Ça va très bien. Et plus on approche du noyau, puis moins on risque de sortir vivant. Oh! Alors, j'ai descendu, moi, là, ma petite championne. J'étais dans mon Cessna. Et là, ma charmante deuxième épouse, qui ne l'était pas à l'époque, parce que c'est là qu'on, quand on a piqué, on dit oui, je le veux. Puis, allez-moi que c'est pas Rine. Comment? Allez-moi que c'est pas Rine. Ça, c'est une sorte de prière qu'on, entre aviateurs. Là. Ça a été lancé par Saint-Exupéry, qui, lui, lorsqu'il brossait le petit prince, ben, je veux dire, brosser le portrait, pas brosser le petit prince en question, parce qu'il n'y a jamais existé. Quoique, oui, c'est les... Ouais. Ouais, oui, c'est... Oui, j'en ai déjà parlé de connaître. Oui, il faut pas aller vite. Je sais, pas de rapidité. Ben, voyons donc. Alors là, nous, on a continué à descendre tranquillement. Moi, je lui dis, ma petite future épouse était mêlée, elle aussi. Oh! Rita criait en arrière. Ah, on va tomber, on va tomber. Mais si tu continues, moi, de faire tomber, moi. Nous, on va rester là, puis toi, tu vas descendre en chute libre. Pis si tu continues encore, là, on te mettra pas de parachute. Tu vas voir que c'est rapide. Hein, c'est... Oh, tu vois la terre, là. Tu fais... comment t'appelles? Non, astéro... Tu sais, l'appareil photo, là? Un instaminé? Un estaminac? Un estlé? Ben, moi, je vais prendre deux cafés, trois sucres. Non, c'est... Vraiment, tu vas prendre un instant présent de ta mort éventuelle. T'as même pas le temps de dire « Ah, je te salue. Tu... » Ta vie passe même pas! En fait, t'en as plein, comme on dit dans le milieu, t'en as plein la gueule. Hey, tu saignes par les cheveux, puis ah, oh, c'est... Ben, alors là, nous, on arrive, parce que moi, on m'a dit, tu sais, on a un genre de petite radio. On n'a pas une petite genre, on a une radio. Mais moi, j'avais une genre de petite fille, là, à côté de moi, là, qui me dit, ah, c'est où, c'est où, c'est où? Là, écoute, c'est ici, on gun go it. On y atterrit, on gun go it, on gun go it. Tu vois, il y a des chanteurs qui nous attendent. Ça, pas d'ampli, rien. C'est merveilleux. 18 guitares. Je les ai comptées. Ouais, ben en fait, j'ai vu 18 têtes. Puis là, on entend des instruments à cordes. Plus les. Comment ils appellent ceux-là? C'est des tac-tac. Non, c'est des tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Non, c'est pas des Alice Rabi. Ah, chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica chica. La transmission nous a abandonnés, mais nous étions quand même sur le terrain d'atterrissage, presque arrivé la roue à terre. Mais là, ma deuxième future épouse, elle a dit, oh mon, elle dit, on se rendra jamais. Mais, hey, je suis un professionnel, ne faites pas ça à la maison, soyez supervisé par moi-même, appelez-moi. J'allais avaler, mais... Oh non, non, avaler, pas maintenant. Pas maintenant. OK, on y va. Et puis, excusez-moi, il y a plein de personnages qui arrivent, là. Gilbert, lâche le béco. C'est le début, là. Présente-toi vers la fin. Assieds-toi en arrière. Tranquille. Ah. Amenez-lui un petit verre de scotch. Lui. Son verre de scotch l'enchante. Et maintenant... Non. Deux verres, il va peut-être s'endormir. Ça s'endort pas, ce chanteur-là. Ah, oh, mon... Ça voit un projecteur, là, ça se réveille. Oh non, on n'est pas à Moscou, là. Non, non, non, on m'a fait ce coup-là. Moscou-là. On m'a fait ce coup-là, c'est bon, hein? Alors, rien compte. Elle est en train de dormir. Elle dit, il est minuit et 15, là, puis il m'arrive plein d'affaires dans la tête, là. J'ai déjà une permanente ce matin, puis ça va défriser, là. Ça m'a coûté 95$. Je me suis fait avoir. C'est des gros rouleaux, là. Sais-tu pourquoi t'as mis des gros rouleaux? Parce que t'as le cheveu gras, ça roule! Roulez-moi. Mais c'est une sumo, elle. Avez-vous déjà vu des femmes sumo? Ah, mon Dieu, je l'avais en arrière de mon avion. C'est pour ça qu'on s'est dit on risque de plus planer. On avait le dernier plus lourd qu'en devant. Avec sa permanente, les cheveux gras, c'était pas mieux. Ah, mon Dieu. 15 personnages étranges venus d'ailleurs qui nous gouvernaient en disant « On va tomber, on va tomber! » Oui, mais oui, monsieur était là. Lui, c'est le journaliste. Journaliste pour trois grands segments d'information. Radio-Canada. France Bimpère qui était en grève en début de janvier. France Bimpère. Il y avait trois impairs sur France, non? Deux impairs. Elle aime bien deux impairs. Oh. Masqués, hein? Deux impairs masqués. Oh! Hein? Pardon? Non, on raconte pas sa vie, là. Non. Mais on retrace ce qui s'est passé, là, avant d'atterrir en gun quit. Et puis, là, on a le gars en arrière qui me disait tout le temps... Maîtrisait la situation, lui. Tout le monde gueulait, mais lui... Il réconfortait un peu le peuple. Le peuple qui en avait un peu ras-le-bol d'entendre ça, là. Là, vers où on s'en va, là, mon Jean-François, là? On s'en va vers là. Il était sur Internet, là. Facebook, Twitter. Des courriers, des courriels. Puis on était proche de la poubelle, là. On le voyait en gun quit. Hey, il y a deux gros conteneurs. Deux grosses poubelles métalliques. C'est ça qui m'amenait la lumière. Puis je pouvais dire, on va atterrir entre les deux. Quoi, on sait pas, entre les deux lumières, là. Là, ils m'ont dit, ouais, mais c'est celle-là qui nous amènera vers l'éternel. L'éternel, tu es malade, toi, l'éternel. Quel éternel? Il n'y en a pas d'éternel dans ta tête, là. Mais amène pas toi ici, on veut rien savoir, l'éternel. D'autres, quand c'est fini, c'est fini. Rideau, pièce de théâtre terminée, on s'en va chez nous, on va manger au restaurant. Avant, on va manger au restaurant, on s'en va chez nous. Puis on se remémore les meilleurs moments. Hey, c'était beau, la pièce de théâtre. Bonjour, là, bonjour, là. Ah, c'est... Michel Tremblay était pas là. Hey, du bourgeois! Oh. J'étais gêné de parler francophone, moi. Oh. Quand il disait, là, j'ai fait mon marché chez Steinberg! On sait même pas où ce que c'est, Steinberg. Hein, c'est où, Steinberg? Madame Steinberg? C'est celui qui a inventé l'avion, Steinberg? Mais non, c'est un supermarché de l'époque. On peut faire de la publicité, ça n'existe plus! Ça s'appelle Steinberg, c'est Steinberg. S-T-U-N-B-E-R-G. Il y en avait un sur la première avenue au Galerie-Charlebourg, Québec. Allez sur Google Maps, là. Espèce de petit qui ne connaissait rien à rien. OK? Google Maps. Rentrez Steinberg. Là, vous n'allez pas le voir parce que ça n'existe plus. C'est terminé. Ah oui, la viande est en train de pourrir. Ça marchait tout seul dans les allées. Là, là M. Steinberg dit, ah, les autres, là, on en aura le bol de courir après les oignons. Après les pamplemousses, après les grosses oranges, puis après toutes les caissières et les caissiers qui comptent plus leur argent, parce qu'ils me disent qu'ils font plus de maudite scène. On va remettre ça, ce supermarché-là. C'est comme ça qu'ils ont mis le clou dans la serrure. Le clou, hein, oui, c'est... Oui, y en a qui mettent ça sur les planches de théâtre. Lui, c'était dans son endroit brise. Donc, on descendait en con quit. En deux beaux trucs métalliques qui servaient de poubelle. Là, ça gueulait en arrière. Il y avait le monsieur qui disait... Ben oui. Ah, on glisse. On arrête tous les moteurs. On va planer. Moi, je connais ça. Je me crois un professionnel. Là, on descend. Et les roues. Ça, c'est les roues. C'est pas le disque qui saute. Arrête le moteur! Tout le monde était là. Ah, on n'est pas mort! Mais non, comment ça? On peut pas mourir? On l'est déjà! C'est mourant, là! Ça fait peur, hein, ces affaires-là? Bon, OK. Alors, qui est le plus bourré? La peluche? Ou le moluche? Non, c'était pas ça la vraie traduction, là, mais. Parce que si je le dis, mais nous ne sommes pas encore au mois de mai. Les gens ne saisiront point autant d'intelligence humoristique. Ah, voyons, non, mais ça pas trop, là. OK, alors on y va-tu? On y va. Allons-y-nous. Qui est le plus bourré? La peluche ou le mec? Hein? Monsieur le Président, il me semble que c'est pas épais, ça. À part l'animateur, c'est pas très épais, ces feuilles-là. On n'ira pas loin. Hey, on va aller jusqu'à l'autre bout du monde. Moi, je te conseille la troisième. La troisième route, qui est pas encore, qui est très défraîchie, là, mais qui est encore très, très poussiéreuse, puisque personne n'a osé passer par là. Pas de lumière, grosse peur. Les gens, quand il n'y a pas de détester, quand il n'y a pas de ils s'imaginent qu'il n'y a pas de vie. Mais c'est pas parce qu'il fait noir qu'on voit rien qu'il n'y a pas de vie. Il y a plus de vivacité là-dedans que dans toute autre structure vivante. Fiez-vous sur moi. Moi, je suis un ancien ici en s'il en reste là, des gens qui réfléchissent sur les s'il y en a plus, mais il y en reste un, c'est moi. Ah, Monsieur le Président, oh non, tu vas pas éternuer. Ah, faut pas faire ça à la radio. Ah, oh, c'est pas beau. Non, OK. Attention, vieille technique. Asiatique. J'ai retenu, c'est merveilleux. Ah oui, t'es presque mort, man. Eh non. On dirait que le son a coupé. Non, c'est ma voix. Monsieur le Président, pour pas éternuer, qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, cela, les yeux me salivent. Oh, les yeux te salivent, mon petit champion. Eh oui, c'est pas de ma faute. On est sur un 1-2-3. 1-2-3. Oui, attendez un petit peu. 1-2-3. J'ai perdu une oreillette, ma petite Gaétane. Est-ce que c'est normal? Attendez un petit peu. Hein? En tout cas, on arrangera ça plus tard. Si plus tard il y a. Mais c'est tannant en petit péché, s'il vous plaît. 1-2. 1-2-3. 1-2-3, je vais dans... On va reprendre ça. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Virginia, Virginia, mon amour, puisque tu ne m'aimes pas, mon amour, m'aime pas. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant engagé, Rénal Gagné. Ça me faisait revivre. Vous voyez, quand on allait à une certaine époque à l'église, le curé pouvait parler, puis à un moment donné, c'est « Dieu est amour, Dieu est lumière ». Il y avait de la chanson, du monologue, de l'improvisation. C'était un beau spectacle. Un peu endoctriné, là, mais un beau spectacle. Alors, aujourd'hui, le vendredi 8 mars, ben oui, 8 mars, est-ce vraiment ça? Je te le dis! Oui, 2013, les errances, le temps passe vite. Rénal, le temps passe vite. Rénal, le temps passe vite. Alors, donc, le 8 mars 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Bon. Et pour nous envelopper dans une atmosphère... Allô? Oui, monsieur, ça va bien? Ça va bien, mon cher, mais j'écoute. Merci, vous écoutez? J'écoute. Donc, je peux le critiquer? Non, pas vraiment, là. Pas parce que vous avez des oreilles et puis une langue et une façon de vous exprimer que l'on appelle le langage. Et en même temps, et d'un même élan, et celui que je comprends, c'est-à-dire le français, il n'est pas nécessaire de me divulguer vos états d'âme. Non, il n'y a pas d'état. Vous êtes dans un état? Oui, d'arrestation. OK. Alors, levez les mains. Non, c'est vous. Levez les mains. Non, c'est à vous. Levez les mains. Non, c'est pas moi qui est en état, c'est vous qui êtes en état. Oh, je suis dans un état totalement absent. Oh, c'est très bon. Ça, là, je vous invite, si vous, un jour, vous voulez monter. Ah, non, moi, les chevaux. Non, une émission. Monter une émission? Ah, mon dos. C'est-tu fougueux, ça, là? Ça galope? Ah, ben, ça galope. Ça dépend, là. Auquel rythme intellectuel vous allez? Ah, mon dos. Moi, c'est somnolent, là. Ce serait dans un mouton, deux moutons, trois moutons s'en vont chantant. Ouais, mais là, des moutons qui chantent. Je verrai deux moutons, trois moutons, quatre moutons me bêlant. On continue! On dirait un cheval. Enfin, que ce soit des chevaux, des brebis, des arraches-cueillettes. Pas parce que vous connaissez pas ça, des arraches-cueillettes. Avez-vous déjà accueilli des arraches-cueillettes? Ah non, moi je n'ai même pas accueilli des pee-wee, là. Non, des petits joueurs de hockey, des petits. Encore le hockey sur table, j'ose même pas. C'est en plastique, ça va fondre. Bon, puis à part ça, je fais du ski de fonde, là, mais la neige, je veux même pas rester. Ben c'est normal, c'est du ski de fonde. Ah, ça fond, c'est mouillé, c'est humide, ça coule, on va se noyer. C'est la molle, ah, je pensais que t'étais en train de prier. C'est la molle qui fait qu'on s'aime. C'est la molle. OK, on y va, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais la convocation. Je demanderai au vice-président de l'Alliance Rénaldienne, au président, au sous-président, au sous-sous-sous-président, au sous-sous-sous-dio de venir nous dire bonjour. Ils osent même pas, sont trop rainés. Bon. La gêne ne mène nulle part. La gêne ne mène rien. La gêne coince et peut apporter des ulcères extrêmement compliqués à digérer. Mais je vous conseille, si vous faites des petites boules venues de votre stress intense, je vous conseille fortement le rince-gorgoton. Efface-toi, je suis là. Si vous n'en buvez pas, ça risque de faire un trou là où vous ne voudriez pas qu'il le soit, monsieur. Attends, recommencez. Je recommence dans un français. Oui, dans un français. Je suis un français francophone. Oui. J'ai étudié dans ma langue à un moment donné sans le savoir. OK. Et on m'a dit, va de tes propres ailes et envole-toi vers des horizons lointains. Et puis, j'ai vu un mur tout au loin, mais on m'a jamais appris à freiner. Donc, j'ai continué. Puis ensuite, je me suis réveillé. Oh, j'avais mal à la tête. Comment ça? Je me suis frappé la tête. Où ça? Sur mon mur, je croyais que c'était l'endroit où j'allais m'échoir. Et c'est là où je me suis cassé la gueule, puisque j'étais, comment ils appellent, pas les somnolents, pas les Québécois, mais après, là, c'est des, quoi coloniser, non, attendez, des, quelqu'un qui dort, là, en marchant, c'est beau, ouais, madame, comment ça veut dire? Vous avez dit quoi? Attendez, plus fort, je n'entends pas, pardon? Les insomniaques, regarde-moi l'autre. Madame, vous osez m'écouter, vous dites insomniaque, pardon? Des ratons. Comment ça, des ratons, là? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ouais. L'autre, il voit en arrière, oui. Arrêtez de lever la main, puis dites-le, oui. Pardon? On comprend pas, ça... Non, c'est... OK, on s'arrête là. Non, il y a un public qui écoute, là. Mm-hmm. Oui, les gens qui dorment en marchant. Des somnolents. Des incompétents. Des embryons, non? Des... mon Dieu. On s'excuse infiniment, on arrête l'émission. Ah, mon Dieu! Et puis, et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, pas des zombies, non. Triple zombie, mademoiselle, triple zombie. Pas de glace, pas de glaçon, pas de sousson, pas de paille, pas aucune connerie. Ah, triple! Voyons donc, ça va revenir, mais après l'émission, discutez entre vous, là, ça va. Somnambule! Oh, je savais! Alors donc, et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire, merci, je somnolais, comme un somnambule, Bertrand Burgala. Bertrand Burgala est un producteur, musicien, compositeur et chanteur français né à Bastia le 19 juillet, mais je ne dis pas l'année. Nous, artistes, avons nos coquetteries. N'est-ce pas, Bertrand? Coquetterie. On ne le dira pas. Ça reste entre nous. OK? On y va. La photo. J'ai oublié de demander. Complètement oublié, moi. Ouais. J'avais l'appareil en 2012, mais... Juste aux filles. On peut-tu prendre des photos? De toutes les filles que j'ai pris en photo, je dis « Hey, c'est mes copines! »

Madame, c'est des échos? Merci. Non, c'est pas comme ça. Eh oui. Oh, vous m'entendez? C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut recommencer, madame? Qu'est-ce qui se passe? OK. On va vous le dire. Facebook. Avant tout, attention. Attention! C'est du sérieux, là. Facebook veut manipuler vos informations. Tout ça pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Sur Terre, on appelle ça du clonage. À l'errance canadienne, on appelle ça du clonage. Comme je l'ai déjà dit à une certaine... Il y a un certain mois? Oui, l'année dernière. Georges, lui, l'a été. Oh, attention, est-ce que c'est une réflexion? Oui, c'est... Excusez-moi, c'est pas une parabole. Hey, arrêtez de toucher au micro. Les gens vont attraper des microbes. Ben, c'est mon excuse infiniment, madame. C'était pas voulu. Je ne suis qu'un inconfétant. Oh, mon Dieu. Je confète. Et plus je confète, et plus j'envoie des confettis à tout le monde. Sans le vouloir et sans le savoir. Je suis un être sans savoir. Ben, comme ben des gens. Oui, madame. Là, ici... Monsieur? Madame? Oui, madame. Elle est hésitante. Elle hésite. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Avons-nous le coffre? Oui, on a le coffre. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Ouvre le sarcophage, cher. Eh mon Dieu, il y a bien des choses là-dedans. Oh, il y a des papiers de... Oh, ça, c'est bien. Une phrase de démarrage. Y en a-t-il? Là, qu'est-ce qu'on fait avec Bukowski? On va le reprendre plus tard. Oh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de phrase de démarrage. On ne peut plus démarrer, madame Ma. Avez-vous les prises? Oh, non, non. Première prise, deuxième doigt. Oh, c'est un tour du melon. Non, c'est du chapeau. Oh, y a, c'est pas la chanson. Ma melon, viens nous dire à Waller. Non, c'est pas celle-là. OK, attention, on y va. Pilkovski, on... Oh, ça tombe de partout. Je ne peux pas... Arrête donc, t'es en direct. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis 500% extravagant, moi. Le titre, non, on dit pas le titre, on va dire la première phrase. Je suis assis, donc je suis ici. Oh, c'est de qui? C'est de personne. Pas le personne. Oh, c'est pas le jazzman, le bluesman. Je suis assis et je suis de personne. Quelqu'un me regarde et je ne vois plus personne. Il y a deux rythmes avec son. Oh, non. Oh, c'est son, il y a téléphone qui sonne et il y a non. Vas-y, ben oui, ben attends, j'attends l'inspiration. Ce soir, on sonne. Oui, c'est le téléphone. Rita va, tout s'en va, même ton plus chouette souvenir, ça t'a une de ses gueules, à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. La première phase de Bukowski. Non, c'est pas... Je suis assis à la fenêtre et les éboueurs arrivent. Claude! Claude! Qu'est-ce qui se passe? Claude, ah ouais, mais t'étais où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'étais là pour te dire, viens-t'en, là. Toi, t'as pas le sens de l'artisanat. Hein? Non, mais je voulais dire, il n'y a pas de sens. Tu peux pas être un comédien. T'es condamné à tirer des rideaux puis à dire, on y va. Ben, reste derrière, là. Je t'avais donné la chance de ta vie d'être le comédien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Gérard Depardieu peut pas. Il nous a appelés. Il a pas eu son visa. Pourquoi on s'attarde à lapider un génie? Il a le droit d'avoir des extravagances à la fois sociétales, à la fois intellectuelles. Il a le droit, c'est un génie! Il fait chier avec ça? Personne. Absolument personne. Comme Paul. Non. Voyons! Arrêtons de focusser sur lui et regardons ses anciens films. Dites-lui que je l'aime de Miller, Claude Miller, c'est extraordinaire. Les valseuses, merveilleux. Sous le soleil de Satan, extraordinaire. Cyrano. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Quand on vous repousse. Les gens la connaissent, ils ne veulent plus la réentendre. OK. L'univers de Depardieu est plus grand que ce qu'on tente de confiner dans des papiers pour salir sa réputation des plus extraordinaires. Laissons les journalistes tâcher d'encre le papier qui vient tout juste des arbres déchus pour le faire lire aux citoyens. La pauvreté intellectuelle de notre société actuelle. Oh, attends un peu, il y a actuel. Il y a truel. Non, j'ai pas dit truel, moi, là. J'ai dit actuel. Actuel. Emmanuel. Ah, oh, mon Dieu. Emmanuel. Emmanuel. Goodbye, Emmanuel. Non, c'est pas celle-là. Non. J'ai même pas dit Emmanuel. Alors, moi, j'étais assis. Là, je t'ai dit, quand je te dirai le mot assis, tu rentres en scène. Ben oui. Il est perdu là-dedans, lui. T'es sorti dans une boîte de céréales, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu! Une boîte à surprise. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Absolument rien. Rendors-toi, mon champion. Tu te réveilleras à la saison prochaine. Je reviens, madame. Attendez, laissez-moi monter, là. L'escabeau est à peine jouché. Que vous ne mentez, que madame, vous que vous me... Rien. Absolument rien. On cherche à savoir. On cherche à voir. Mais il fait noir. Là, si j'ose tâtonner, comme je le faisais à Fourmi Atomique à une certaine époque. Oh! Avez-vous connu ça, Fourmi Atomique, madame? Oh! C'est moi, ça, qui était là, là, avec... je ramenais des... Je sais pas si je peux parler de ça. Je ramenais des verres. Pas des verres, verres de terre, mais des verres où on pouvait mettre de la boîte, des cocktails. Parce que moi, mon cocktail préféré, c'est ce que je suis devenu. C'est quoi? C'est pas comment, Bloody Caesar? Mais non, ben, devenu un Bloody Caesar. Non, c'est zombie. Ah, t'es devenu un zombie? Ben oui. Je dors la nuit, je mange le jour, je regarde le soir. Le temps passe, je capte quelques minutes, je gobe quelques secondes et je saute à pieds joints dans le firmament du temps. Oh! Est-ce le temps de vivre? Oh, je ne sais pas. Ben, oui, vous avez raison. Bon. Comment couper devant autant d'éternité? Oh, est-ce que je peux prendre ça en note, madame? Oui. Il a dit comment couper? Couper, oui. Comme action coupée, oui. Devant autant d'éternité. Éternité. Ici, c'est quoi après? Qu'a-t-il lancé pour le reste? Il n'a absolument rien lancé. Il s'est tiré, le pauvre mec. Oh mon Dieu. Est-ce possible, madame? Rien, on ne sait pas. Telegram Sam, you're my main man. No, no, no, Slim, I know where you've been. Mistake about Jungle Face Jake. And the California blues. Je me dis pas, c'est là où je suis content de pas avoir une. Si je trouve que soit il faut être instinctif comme moi, soit il faut être boulaise quoi. Mais en même temps, je trouve que chaque truc a ses avantages. Mais quand t'as, je veux, c'est là où je veux pas connaître trop la théorie parce que je connais trop de musiciens qui tu joues quelque chose et ils sont là. Ouais, alors là t'as fait une septième diminuée, okay, machin. Mais, truc, mais toi t'en as rien à serrer. Ouais, t'entends les sons et tu les joues quoi. Et toi, tu fais ça voilà, par instinct. Plus comme ça. Et pour moi, et après, par exemple, la partition, ça sert à traduire ça. Mais je ne suis jamais dans la théorie en me disant, bon, alors là, j'ai fait un accord de comme si, alors il faut que je fasse un accord comme ça. Ben, en fait, les gens qui t'écoutent, c'est ça, connaissent très souvent absolument rien à la musique, ouais. Ils se laissent emporter un peu comme toi. Alors tu veux ben, c'est ça qui est agréable. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as fait Les Nuits Fauves, la bande originale du film Les Nuits Fauves, oui. Et j'aimerais que tu m'en parles. Ah oui? Tu as aussi, oui, tu as travaillé avec Heinz Hansen de No Button, qui est un groupe industriel allemand.

body is melting into mine. Lingering fingers over my skin. Wild desire and some scream. I suddenly feel like the first time. You've changed my mind and my heart. Suddenly gave me a new vision of the world. I'm back again to my smile and my tears. I'm fighting on my own. Fighting on my own. I'm fighting on my own. Against fears and mediocrity. Of everybody's false inner feelings. When I feel you moving in my back, some kind of hot stream fills me up. Hey little girl, what have you got to pull me so fast out of the dark? How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking? When all his horses come in, and he built an army of kamikaze. Dire exactement qu'il sait ce qu'est la rage, un murmure, un frôlement, ou la tempête et l'orage. juste savoir dire non à la peine des sirènes, ou rugir comme le lion qui pénètre dans l'arène. Somewhere in Europe, someone is waiting for me. Somewhere in the world, someone is looking for me. You know, it's so hard to believe in miracles. You know, it's so hard to believe in everything. Somewhere in the sky, someone is waving at me. Somewhere in the sea, a blue eye is calling me. Oh, oh, oh, oh, oh, somewhere on the earth, someone is growing with me. Somewhere in the air, someone is flying to me. You know, it's so hard to believe in miracles. You know, it's so hard to believe in everything. Somewhere in the rain, someone is crying with me. Somewhere someone is burning for me. Somewhere in the stars, someone is winking at me. Somewhere in my life, someone is laughing at me. You know, it's so hard to believe in miracles. You know, it's so hard to believe and everything. Donc je l'empêchais un peu de certains trucs, tu vois. Ça l'énervait, mais en même temps il sent. Enfin, il dit ouais, tu sais quand je chante ça au nana, parce que il savait où il allait. Il voulait le succès, tu vois. C'est ça qui est, et c'est ça qui est beau en même temps. Mais il était dur. Donc j'ai passé un été pas loin d'ici, rue Ganneron, enfin, des semaines avec lui, avec un ami Michel Poteau qui était venu faire la guitare et Michael qui était le batteur

décroche silencieux dans la région du cœur. L'écume miraculeuse des corps hypothéqués. SMS paysable, tatouages indélébiles. Avoir moins peur, avoir moins peur. Merveille de la science pour mourir en pleine forme. Les belles au bois dormant dans leur congélateur. Oh, muesli qui tue, les archontes qui sentirent avoir. Moins peur, avoir moins peur. L'essence interdite de l'amour sans tabou. Il faut sécher ses larmes avant même qu'elle ne naisse. Noël sur ordonnance, Cendrillon sous acide. Avoir moins peur, avoir. control. You're my dirty little secret, wanna keep you so. You're the only story that never been told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Keep the walls from falling as they're tumbling in. This is love that I'm feeling. This is love that I'm feeling. This is love that I'm feeling. This is qui est ce gars-là? Une Léon. Rapide, oui. Une rapide. Gaétan, tiens-toi tranquille. J'ai 6 minutes au micro. Enlève les échos. Qui est ce gars-là? Léon Desgala? Non, ça me semble être ce compositeur-là qui fait chanter les acteurs et rayonner les actrices. Il ne quitte jamais le Nord. Il fait sonner la liberté ici et là, le Bertrand Burgala, lâché dans sa sonorité. C'est pas ton meilleur texte, mon petit recherchiste, mais enfin... pardonnez-moi, creuse. Voyons donc, cracher dans le micro. Non, j'ai... Madame... Monsieur le juge... Je n'ai point craché vers le micro. J'ai été étouffé sur le champ par trop peu d'intelligence poétique. La source des mots m'a corrigé sur le champ. Sur le champ, il y a des enfants qui labourent et qui labourent tous les jours et qui ne cherche pas à savoir d'où vient le vent, d'où vient le nom, mais c'est pour essayer avec les amours. Ah oui, oh, et mais c'est avec lui aussi beau les chevaux, aussi beau et le chant avec les chevaux. Ah, qu'il est beau ce chemin du revanche. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est une chanson, pas de réponse. Pas de compréhension. Pas d'ancrage. Qu'une vision vers la structure du son. Ah, mon Dieu, ça tombe, hein? Oui, ça tombe vers le bas. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, épluchons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « briller ». T'es un rapide? Ben oui, je tiens à finir sur des termes tout à fait respectueux et ne pas coller sur l'autre émission. Parce que M. Marcoux a de la très bonne musique à nous proposer. Donc, je ne veux pas que c'est pas... Non. Recommence pas. Tu n'as point de temps. Mais briller. Il n'y a plus grand-chose qui brille aujourd'hui, là. L'or ne brille plus. L'espoir ne brille plus. Gaétan, oh mon Dieu, tout le temps. Ah, elle, c'est rayonnant comme le champignon magique. Oh mon. Savez-vous comment le oui, c'est dans le oui? Oui, exactement. Faut le cueillir en dessous. En dessous de l'humus. L'espoir est en dessous de l'humus. qui a découvert un matin, deux matins, trois matins, petit panton. Oh, c'est qui? C'est Gaétane. Ah, elle était tout le temps là, elle. Elle cueillait l'eau de Pâques au mois de décembre, parce qu'elle était totalement dehors de tout sentier battu. Elle se croyait vraiment tout à fait sereine, pour ne pas dire illuminée. Pour elle, là, puiser l'eau en dehors de, excusez-moi de dire encore en dehors, mais à l'extérieur de ce que l'on amène comme sainteté, juste parce que c'est elle, se disait, j'amènerai moi-même la pureté. Mais voyons donc, ouais! C'est pas comme ça que ça se passe, là, dans les grands livres ou les petits livres, les livres, les 25 livres, les 30 livres, enfin, les comme je parlais tout à l'heure, les sous-mots, les gros livres, là, les sous-mots, ces sous-mots-là, là. En dessous de tout ça, là, c'est plein de tendresse, plein de gentillesse, plein on est en communication, non, habileté à aimer l'autre. Malgré cette masse corporelle qui est beaucoup trop, pour certains, beaucoup trop évidente. Faut passer à travers tout ça. L'essentiel est invisible pour les yeux. Perfect night, this summer night, a night just made for dancing. And here beneath the magic moon, I hear the rhythm of your beating heart is making me become my own. This was meant to be, you were sent to me.

Mathieu. À la prochaine. C'est vrai.

que d'ailleurs personne ne termine. Un pareo, une bouteille d'eau, j'oublie l'odeur du métro. Ici ça sent l'huile de coco, je vais vous en ramener des pots. Visualisez-moi dans mon bungalow. J'entends tous mes copains qui veulent encore me mettre à l'eau. Salaud! Ce soir, les filles, c'est le spectacle. Je fais Dalida en playback. Ça y est, ça commence, j'ai le trac. J'ai des calmants dans mon sac. Ici, le soir, nos deux vedettes, c'est Bernard et Alicia. 72 ans, ils font encore la fête. Si je pouvais être comme ça, j'ai plus très envie de travailler. Je resterais bien ici toute la vie. Visualisez-moi dans mon bungalow. Lundi, vous n'allez pas me reconnaître. Je suis noire des pieds à la tête. Je me suis fait faire un tas de petites tresses, un peu comme celle de Baudérin. Vraiment rentrée, j'ai plus envie du tout. Je préfère le Malibu. Les bains de minuit à faire les fous, à la moustache de Madame Le Prou. Regardez bien les filles sur la photo, la croix c'est mon bungalow. Je vous imagine au bureau, moi j'ai les pieds dans l'eau. Écrire à votre animateur, Reynald Gagnier, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagnier ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.